R. Je me meurs sans barreau ou meurtrir mon visage, frapper ma tête, blesser mes mains. Merci aimé, ah merci. T'es-tu vengé, 4 ans après, de la peine que je t'ai faite en aimant Isabelle? Vengeance inconsciente ou gaffe inconsciente parce que tu n'as pas réalisé quel calvaire serait pour moi leur présence si proche? J'ai peur de sortir et de les croiser. Je fais mes courses dans d'autres quartiers. Je gare ma voiture à la hâte et rentre chez moi en rasant les murs comme une coupable. J'ai trop peur de me trouver en face d'elle, qu'elle me rit au nez, qu'elle m'interpelle en ricanant. Veux victime. Ai-je seulement encore le droit de me promener librement dans mon quartier, sur la place où le chien Victor continue à venir faire pipi et où je l'entends aboyer? Je soulève alors mon rideau pour voir sa silhouette menue gambadant auprès d'Isabelle et de l'autre. Ai-je le droit de vivre? Vous m'avez si fortement repoussé, balayé, relégué. Pascal, ma gentille barmaid, est souvent chez elles deux. Elle dîne en leur compagnie avant d'aller travailler, et lorsque j'arrive aux 4, 2 heures plus tard, j'ai envie de lui demander comment elles vivent, de quoi elles parlent, si Isabelle est heureuse. Vanina arrive du midi et vient me chercher pour dîner. Je ne l'ai pas revue depuis Noël mais elle a tout appris. Enfin, ce qu'elle n'avait pas deviné déjà. Je la conduis jusqu'à la chambre d'Isabelle et ouvre la porte que je tiens fermée. Moi qui ne supporte pas ces panneaux qui brisent la liberté du regard. Devant sa surprise, j'éclate de rire. Oui, tu vois, elle a tout emporté. Même l'ampoule électrique et les prises multiples. La pièce est nue, nue comme une geôle. Non, car il n'y reste même pas un petit lit divan. Elles en ont eu besoin pour dormir, pour s'aimer. Tu vois, la marabinta n'aurait pas fait mieux, ni Attila. Elle est venue avec ses deux frères, un après-midi, tandis que je me réfugiais chez Dominique pour ne pas voir ça. Ce n'est pas avec le salaire d'Alice qu'elle pourrait se payer des meubles, ma chérie. Ah. Elle a trouvé du travail? Oui, vestiaire à Pigalle. Je ris à nouveau. Ça c'est une belle promotion. Mais tu n'as pas vu le meilleur. Je prends Vanina par la main et l'emmène dans la cuisine, devant l'écran de mes supplices. Tu vois, 3e fenêtre à droite, 2e étage. Avec un peu de patience, tu vas les voir s'embrasser. Et alors? Tu n'as qu'à ne pas regarder. C'est dur. Avec ses stores qu'elle ne baisse jamais, pour me narguer sans doute. Vanina se retourne vers moi. Pas pour te narguer. Je ne crois pas. Tu vois bien que c'est toi qui plonges chez elle, moi? Eh bien c'est qu'elle le veut ainsi, ma vieille. Tu plonges chez elle, donc tu surveilles sa vie. Elle n'a pas brisé le cordon ombilical, c'est tout. Oh, tu lui prêtes des motivations freudiennes qu'elle est bien incapable d'avoir. Je suis certaine que non. Tu accepterais, toi, qu'on puisse ainsi plonger chez toi, même pour narguer quelqu'un, à tout instant? Certainement pas. Alors, tu vois bien. Je reste sceptique, mais cette interprétation de Vanina me réchauffe un peu. Évidemment, elle ne peut pas ne pas savoir que je peux surveiller chacun des gestes de sa vie. La surveiller. Veiller sur elle. Alors petite fille cruelle, inconsciente, es-tu heureuse? Te fait-elle bien l'amour au moins? J'en doute. Je connais ce que tu aimes et ce dont elle est capable. Mais peut-être avec toi, fait-elle des choses que j'ignore? Et tu acceptes de sortir avec elle et son éternel blouson de cuir râpé, et ses brodequins façon orthopédique, toi qui m'exigeais toujours élégante et soignée? Ah! Peut-être qu'à son âge, cela est encore superflu. Est-ce sa petite vestiaire masculine qui l'emmènera dans les endroits chics? Tu es snob, me répond Aimé. Snob? Oui, si tu veux, mais j'ai le droit de l'être. Mon accès aux endroits de luxe, de bien-être, je l'ai conquis seul. L'argent qu'il me plaît d'y laisser, je ne le dois ni à ma naissance, ni à un type qui me saute. Je l'ai gagné moi-même. Et chèrement, s'il me plaît à moi de mesurer le chemin parcouru depuis que j'étais prof fauché à Marseille qui volait des livres pour les lire, par le nombre de billets que je peux laisser sans sourciller dans une soucoupe, si c'est mon luxe à moi, à qui nuit-il? À qui ai-je des comptes à rendre? Qui a besoin de moi pour vivre parmi les êtres que j'aime? L'argent que je gagne n'appartient qu'à moi. Isabelle, oui, elle, avait besoin de moi et c'était mon bonheur et ma force de me sentir nécessaire, utile. Cet argent venu si tard avait un sens, une valeur. Je l'avais trop gâté? Oui, trop, peut-être. Sa mère me l'a assez reproché. Et maintenant, quoi pour elle? Les Wimpy? Elle n'aimera pas. Et puis son foie est délicat. Elle a besoin de choses légères et bonnes. Et l'autre, la cuisine, avec son blouson de mec et ses boots de soudard, la seule cuisine qu'elle ait jamais commise, c'est son sale tripotage contre nous. Une soupe de fèves comme on dit à Marseille. Un sac de nœuds de vipère. Tu la vois en train de mijoter de petits plats? Isabelle ne sait pas faire la cuisine. Sa mère était un cordon bleu. Et moi j'avais pris le relais. J'aime faire la cuisine, tu le sais, aimer, et je la fais bien. Elle n'a jamais eu à s'occuper de cela, pas plus que du ménage ou du repassage. Une vie de gosse de riche, oui, c'est vrai. Alors, crois-tu qu'elle va accepter longtemps la chaumière et les deux cœurs? Il faudrait que son amour soit bien fort, bien exceptionnel. Pour un être exceptionnel, laisse-moi rire. Il y a des jours où la rage me prend plus forte. Désir de meurtre. Envie d'aller au restaurant où elle travaille maintenant et de faire tomber 100 fois ma fourchette. Exiger qu'elle me la remplace. Renverser le vin. Demander le sel, le poivre, l'huile, le vinaigre, tous les condiments, les cure-dents. L'humilier, la brave petite travailleuse. Moi la garce bourgeoise. Oui je suis une bourgeoise. Et alors? Je n'en ai pas honte. Travailler en usine et être issue d'une famille de prolétaires n'a jamais été ma nostalgie. Aimer une prolétaire, pourquoi pas? Si elle est intelligente, si elle me plaît, si elle est jolie, si elle fait bien l'amour et si elle m'aime? Alice, c'était cela. Ai-je eu honte de l'aimer? Mais les jamais, lorsque je les regarde, à la fenêtre. C'est Isabelle seule que je vois. Alice n'a été qu'un caprice, un désir de soleil déclinant. Comment dit-on? Déjà, au café du commerce, dans les histoires de commis voyageurs, le démon du midi. Je ne le regretterai jamais assez. Pourquoi n'avons-nous pas fait l'amour toutes les trois ensemble? Puisqu'elle nous plaisait et que nous lui plaisions. C'eût été délicieux, gentil, gracieux. Nous nous serions aimés et caressés tour à tour. Nous nous serions dit je t'aime, je vous aime toutes les deux. Tantôt notre visage aurait penché vers l'une et notre cœur vers l'autre. Pourquoi n'avons-nous pas fait comme les hétéros ou les homos? Notre-Dame de Lesbos, quelle bêtise de vouloir fonder notre vie sur un amour exclusif. Regarde les couples de garçons comme ils s'en sortent mieux. Comme ils arrivent, en pimentant leurs unions. En ouvrant une fenêtre sur un apostrophe inconnu, en aérant leur amour, regarde comme ils évitent l'asphyxie qui nous a condamnés, qui nous a séparés. Nous aurions baisé Alice tout un été. Vampire, nous nous serions repus de son corps nouveau, de son sang frais, et nous nous serions quittés avec un sourire tendre, doux souvenir pour l'hiver. Et je t'aurais pris la main, mon Isabelle. Et nous serions rentrés à Paris pour des hivers, et des hivers, et des hivers encore ensemble, complices et heureuses. Non. Il a fallu que nous jouions chacune notre partie en douce, en trio, solo, sur le même échiquier. Jeu de dames truquées, des pipes. Mais notre situation, Dieu merci, est rare, car il y a peu de femmes assez monstrueuses pour jouer le jeu qu'a joué Alice. Plus j'y songe. Et moins je comprends les mobiles qui l'ont entraînée à me séduire et me reséduire. Elle avait tout en arrivant à Paris, Isabelle, une place en or aux quatre, son avenir assuré, mon pardon, mon indulgence, mon aveuglement. Si je faisais un roman de cette histoire, on me dirait en haussant les épaules que le personnage d'Alice ne tient pas debout. Mais la vie n'est pas le roman. Il n'y a pas de plan. Pas de logique. Alice est un personnage vrai qui sonne faux. Faux comme un sourire tendre. Faux comme ses yeux amoureux. Faux comme ses déclarations d'amour. 5. Une femme de 40 ans contre deux filles de 20 ans. 40 égale 2 fois 20. L'égalité est parfaite. L'équilibre rétabli. Ne dis pas d'ânerie, répond Vanina. Qu'est-ce que l'âge a à voir avec l'amour qui l'inspire? Ouais. Théorie. Isabelle m'a quitté. Le fait est là, Non, elle a choisi la jeunesse. Faux. Elle a choisi de te quitter parce qu'elle n'était plus heureuse auprès de toi. À qui la faute? À moi, je sais, et doublement. Parce que, paniqué par le crépuscule, j'ai voulu connaître un dernier coup de soleil avant la nuit. Un peu pompier ma façon de présenter la chose. Non, mais tout notre problème est là. Toute notre histoire est là, le drame. Je me le suis fabriqué toute seule, comme une grande, avec mes complexes idiots et mes paniques stupides. Je sais, la femme de Balzac était out à 30 ans alors qu'à 50 ans, maintenant, la vie commence pour beaucoup d'entre nous. Il faut que je le réalise, que j'en prenne conscience, que je m'accepte dans mon air tertiaire, que j'abandonne ces préjugés d'un autre âge. Regarde les femmes de 40 ans. De 50 ans, autour de toi, oui, oui, et les comédiennes, et les chanteuses, et les écrivaines. Mais elles n'ont pas, comme moi, ce culte de la beauté triomphante, de la jeunesse. C'est que j'ai mal, non seulement de voir mon corps évoluer, vieillir, se dégrader, mais c'est aussi que je me mets à la place de celle qui me fait face et me regarde. Et de plus, comme je n'aime, moi, que la beauté, je ne peux pas concevoir qu'on puisse me désirer encore, moi. Tes critères de la beauté ne sont que les tiens propres, pas forcément ceux des femmes que tu attires, qui t'aiment et te désirent. Consolez-moi ami, mais depuis quand la logique intervient-elle dans la passion? Toutes les jeunes filles du monde pourraient me regarder d'un air amoureux, mon regard impitoyable sur moi-même ne changerait pas. Je suis blessée et cette cicatrice-là laissera des traces indélébiles. Depuis Noël, depuis mon assassinat au coin de la rue du Four, je ne suis, ni ne serai plus jamais tout à fait la même. Chaque fois qu'une femme me dira « Tu es belle », j'entendrai en écho la voix d'Isabelle et ce tu n'es qu'une vieille femme qu'elle m'a jetée au coin de la rue du Four. Chaque fois qu'une femme me dira « Je t'aime », j'entendrai en surimpression la voix d'Isabelle et son « Tu n'es qu'une vieille femme ». Quelle princesse charmante pourra m'arracher à mon cauchemar? Y aura-t-il un jour une fée qui me délivrera de la malédiction d'Alice sorcière ricanant? Vous n'êtes qu'une vieille folle. Est-ce vraiment fini pour moi? Vais-je me laisser emmurer volontairement? Je pourrais être grand-mère. Mais je n'ai pas de petits-enfants. Je veux être une grand-mère indigne potentielle. Je ne veux pas vieillir, car vieillir c'est mourir. Secoue-toi, élue-là, regarde-toi, tu as d'autres atouts, tu as d'autres séductions, tu as d'autres attraits que la chair ferme et le visage lisse. Réagis, élue-là, réalise que tu es une femme mûre, faite, épanouie. Bien dans sa peau, la mue est si difficile, les écailles font mal et t'ensanglantent le cœur, de cette peau ancienne qu'il te faut quitter. Mais sois intelligente, sois lucide, tu n'es pas morte rue du Four, au contraire, tu es née à une nouvelle vie, à une acceptation plus grave mais plus sereine de l'amour. Tu vas aimer avec d'autres yeux, avec un autre cœur, une autre aspiration. Tu t'éveilles, élue-là. Le véritable amour, c'est peut-être maintenant que tu le connaîtras. Pas l'amour égoïste, plus d'amour à la Don Juan, plus d'attrait presque purement physique. Peut-être l'autre amour, le vrai, le total, le parfait. Moins folle, moins avide de déplaire et de séduire. Tu vas peut-être enfin aimer vraiment l'autre, et non plus, Narcisse triomphant, le simple reflet de ta beauté. Tu te pencheras enfin sur l'autre. Élue-là, et ce doit être cela l'amour vrai. Au fond de la mer, je me noie, je coule et sombre, les pleurs dans mes poumons, je suffoque. Brasse affolée, inutile, dans l'océan qui m'engloutit. Lumière glauque, geste lent, je suis une noyée qui traverse la vie sans vivre. Isabelle, mon amour, Isabelle, ma traîtresse, tu n'existes plus. Adieu. Mais je ne veux pas mourir à l'amour. J'ai trop le goût et la rage de vivre. Arrivé au fond, je donne ce grand coup de pied qui me fait remonter à la surface. Il faut vivre, il faut aimer. Non, ma vie ne va pas s'arrêter ainsi, au coin d'une rue de Saint-Germain-des-Prés. Isabelle est morte. Vive Isabelle. Le roi boit. La reine boit. Je me suis réveillée ce midi-là avec la feinte au cœur. Il faut l'oublier. Il faut apprendre à vivre sans elle. Une autre femme. Une autre femme tout de suite. Pour l'amour de moi. Je l'attends. Celle qui me prendra dans ses bras et me permettra d'oublier que l'on m'a rejetée, bafouée, insultée. Qui sera-t-elle? Pas mes clientes que je côtoie chaque nuit. Elles sont des fleurs sans parfum, sans mystère. Des amies possibles, pas des amantes. J'ai trop vu depuis 8 ans, se dérouler ici, sous mes yeux, leurs envies et leurs amours. Je connais leurs visages d'ombre et de lumière, leur joie et leur tristesse. Ce sont mes sœurs, mes enfants, ma famille. Je ne suis pas incestueuse. Il me faut attendre l'inconnu que, dans son mystère, je posséderai intact. L'inconnu à découvrir, à dévoiler. Qui sera-t-elle? J'attends mon salut, mon secours, la bouée qui me maintiendra hors de l'eau. Faites qu'elle se présente avant que je ne sombre. Vénus, déesse de l'onde, aie pitié de moi qui honore les femmes à ton autel. Arrive, mon inédite, ma terre vierge, mon île inconnue. Je n'en peux plus des regards apitoyés, des phrases compatissantes. Je hais la pitié qui doit ricaner derrière moi. Je les entends, les rapaces, les morticoles. Qu'est-ce qu'elle croyait? À son âge, à la retraite, Elula. Retire-toi de la ronde des amours. Au milieu de tes jeunes bacchantes, tu es la fée Carabosse, grotesque au milieu de leur rire et de leur jeu. Tu es vieille, ma vieille. Faut te faire une raison. Tu vas rester seule longtemps. Tu vas te heurter à des cœurs de bois. Ton règne est terminé. Tu t'es trop prévalu de ta puissance, de ton aura. Une petite serveuse canoise t'a écrasé. Racine échevelée au vent. Ton écorce éclatée de toutes parts montre ton bois vermoulu. Ouvre les yeux, Elula. Regarde ces rides, là, au coin de ta bouche, ces deux longues courbes d'avoir trop ri, toute ta vie. Maintenant, pleure. Tu es vieille, Elula, 46 ans, c'est déjà bien non? Que veux-tu de mieux? Que désires-tu de plus? Une peau jeune et lisse et contre laquelle te frotter. Scandaleux. Un corps ferme et plein à serrer contre toi? Regarde-toi dans la glace, où est le corps superbe de tes 30 ans. Je me contemple dans la glace de la salle de bain et je me foudroie du regard. Voiler les miroirs, comme aux obsèques juives, mes origines soudain qui transparaissent. Voiler les miroirs de drap blanc pour l'enterrement de ma jeunesse. Nous sommes en deuil, et nos miroirs sont aveugles. Et soudain, la révolte. Je caresse la ligne de mon sein. Il y a pire. Je caresse la courbe de ma hanche. Elle est voluptueuse. Je caresse ma peau. Elle est douce. Soie de Chine. Et je me souris. Les rides d'expression. C'est cela qui fait un visage. La cellulite. Mes rodins. Mes maillots. Et moi, je ne suis pas une femme de pierre. Ma chair est chaude. Ma chair est palpitante. Ma chair est ardente. Oui. Je peux encore être aimée. Oui, je peux encore offrir mon corps. Je vais changer de table. Celle-ci me porte la poisse. J'y ai perdu trop de plaques et de jetons. Changer de table et tourner la chance. Aveugle. Colin Maillard. Je tourne et elle ne me repère plus. Elle déverse à nouveau sur moi sa corne de bonheur. Oui, changer de table puisqu'à celle-ci, les jeux sont faits. Brûler mes vaisseaux derrière moi. Attila le fléau des rats. La terre brûlée. Je ne suis plus qu'un tison noirci, vieille branche consumée. Et le rimmel qui coulait hier sur mes joues, n'était-ce pas seulement cela? Du noir de fumée, il faut ressusciter. Chasser les sortilèges, rôtir le visage grimaçant d'Alice. Faire s'évanouir en fumée le visage buté et hostile d'Isabelle. Je suis un brandon où les jeunes pousses perceront demain sous la couche noircie. Le printemps est fini. Mais il reste l'été, l'automne. L'hiver est loin encore. Il faut revivre, essayer. Et c'est malheureux. Et c'est fiasco. Un flirt ancien qui passait à Paris. Le désir effréné de m'endormir de nouveau auprès d'une femme. J'ai froid au, à la chair, au ventre, aux lèvres, au doigt. Laisse-moi rentrer avec toi. J'ai besoin de tendresse. Nous avons refait l'amour dans la chambre impersonnelle et froide d'un hôtel international. Les gestes nous sont venus naturellement. Après que, blotti contre elle, je lui ai conté brièvement pourquoi j'échouais ainsi sur sa grève. Nous nous sommes embrassés. J'avais gardé d'elle un souvenir éblouissant, mais là, dans le petit matin, nous ne fûmes que l'ombre de nous-mêmes. Elle faisait une BA, et moi j'usais d'elle comme d'un verre d'alcool. Nous nous caressâmes poliment, gentiment, nous avons même joui un peu. Je fus apaisé de savoir que mon ventre n'était pas desséché, que mes sources n'étaient pas taries, que je savais toujours les gestes et pouvais les accomplir sans entendre les dieux ricaner dans le ciel des lits. J'étais nu, je m'étais déshabillé et je n'avais pas honte de mon corps. L'idée ne me vint pas d'une pénombre complice ou d'un drap pudique. Je n'avais pas changé, ces deux mois n'avaient pas été deux siècles. Je vivais, je respirais, je jouissais. Mais la chair est triste. Mes bien chères sœurs, lorsque la foi en nos déesses ne nous habite plus, amen. Je me suis relevé tout doucement, tandis que mon ami dormait encore. Je me suis rhabillé en silence et je suis parti, évitant de faire claquer la porte. J'avais laissé un mot sur la table de chevet, merci. Elle avait compris, elle comprendrait. 6. En quittant l'hôtel et ma compagne d'une nuit, amicale et insuffisante, je remarquai avec joie que dehors il faisait doux. L'hiver approchait de sa fin. Je repris ma voiture et traversai la Seine pour rentrer chez moi. Je ne pouvais éviter de passer devant l'immeuble où elle dormait. Sans doute étaient-elles serrées l'une contre l'autre. Le chien Victor avait-il conservé cette détestable habitude de s'insinuer entre les corps pour y passer la nuit? Mais non, comment avais-je pu oublier, moi qui connais tout de sa vie? C'est la semaine du salon du prêt-à-porter. Isabelle est donc porte de Versailles depuis 9 heures du matin. Elle va travailler toute la journée dans une ambiance surchauffée, survoltée, harassante. Ce soir, elle rentrera épuisée, à 7 heures. Qui va la chercher à la sortie? On ne trouve jamais de taxi, c'est la panique, la bataille. J'allais toujours la prendre, je l'attendais dans ma voiture, je voyais défiler des filles longues, minces, sophistiquées, à l'avant-garde des modes, leurs beautés cases à la main. Je les regardais. Parfois j'en trouvais une plus remarquable, mais aucune comme la mienne, aucune aussi jolie. Aucune qui me fit battre le sang un peu plus vite. Des hommes étaient là, qui attendaient leur petit ami mannequin. Cela m'amusait de me trouver parmi eux à attendre moi aussi une femme avec qui je faisais l'amour. J'imaginais leur tête s'ils avaient deviné, leur étonnement. Qui va la chercher maintenant? Je l'ai vue rentrer hier au soir. Elle s'est déshabillée, elle a dû prendre un bain très chaud. Puis elle est revenue sur mon écran. Elle s'est allongée nue, sur leur lit. L'autre l'a massée. C'est moi qui le faisais, longuement, pour détendre ses jambes et son dos douloureux d'avoir tant piétiné toute la journée. Isabelle est au salon, mais l'autre doit dormir, là, à portée de fusil de mon propre lit. En passant le pont, je ne pouvais pas ne pas découvrir une affiche immense vantant le club Méditerranée. C'est elle, courant, riant, sur une plage ourlée de blanc, ses longues jambes couleur de sable, ses cheveux fous, son sourire, les cocotiers, la mer couleur émeraude, la carte postale chromo à pleurer. Pourtant les larmes me viennent aux yeux. Je suis encore prisonnière de la vacancière heureuse qui vous invite à l'évasion. Ces photos, elle les a faites l'année dernière. À la même époque, je l'avais accompagnée à Abidjan. J'avais reçu en sortant de l'aéroport une bouffée d'air d'Afrique en plein visage. J'avais fermé les yeux, bouleversé. En un instant, je venais de retrouver toutes les odeurs de l'Asie de mon enfance. J'avais serré la main d'Isabelle, trop émue pour parler. Je lui avais seulement murmuré, l'Indochine. La même odeur, je lui ferai connaître l'Asie, mon pays. Je l'emmènerai dans les rues d'Hanoï, à la recherche de la gamine dégingandée qui s'accroupissait au bord des trottoirs pour avaler en cachette les soupes fumantes des marchands ambulants, ou des morceaux de durian ou de canne à sucre, ou des goyaves ou des mangoustans. Des fleurs, des plantes que je n'avais pas revues depuis 30 ans, dont j'avais oublié jusqu'à la forme, jusqu'à l'odeur. Je les ai retrouvés là, à chacun de nos voyages en Afrique. Dakar m'a rappelé à Noé Lakiette, et Abidjan, Ségon l'a survolté. Isabelle découvrait l'outre-mer, moi je le retrouvais à travers ses regards émerveillés. Sur les plages, les noirs, reines indolentes, portaient sur leurs turbans des cuvettes d'émail multicolores remplies de noix de coco récemment cueillies. Elles les fendaient d'un geste précis de leur coupe-coupe. Madanaïde renversait son visage, levait la noix ouverte au-dessus de sa tête et en laissait couler le lait sur son visage, ses épaules, ses seins, son corps tout entier. Cacao, tabac, cannelle, sa peau luisait au soleil et j'avais envie de boire sur elle, de la lécher. Tandis que la vendeuse, hiératique, repartait avec une lent déhanchement. Nous supportions mal, durant nos escapades en Afrique, de ne pas être seuls. Au séjour chez sa mère, à Abidjan City avec tournée des bars des copines et grande bouffe rigolarde avec les copains, nous préférions le club d'Assini, où nous nous isolions dans la foule, une fois écartés sans équivoque les géos. En ébullition dès l'apparition d'Isabelle, ils acceptaient mal, comme tous les hommes, que cette fille superbe et féminine soit lesbienne, et exclusivement. Je sentais sur moi leur regard de rancœur et d'incompréhension. J'en souriais. Que m'importait leur opinion? C'est moi qu'elle aimait et c'est contre moi qu'elle dormait le soir. Pas contre leur torse bronzé et puissant. Il la délaissait vite pour des conquêtes plus faciles. À nouveau, rien n'existait plus, sinon la mer, le sable, le soleil, les cocotiers bruissants, les coquillages délicats dont je couvrais son corps étendu comme d'autant de parures, dessinant sur sa peau des cartes du tendre tropical. Toute l'Afrique des mers et des lagunes. Toutes les senteurs de poivre et d'épices étaient de nouveau pour nous seuls. J'essuyais mes yeux, frottais mes paupières. Plus jamais l'Afrique avec toi, mon petit, mon enfant, mon amour. Paris est triste et froid, la ville est morte sans toi. L'hiver ne se terminera jamais, il ne fera plus jamais doux à Paris. 7. De l'autre côté de la rue il y a une fille, une belle fille. Là, là, là. Curieusement. Je n'ai jamais croisé cette belle fille que j'ai tant aimée, cela fait pourtant presque 2 mois qu'elle habite à côté de chez moi, d'où je la regarde, d'où je les vois, vivre, le cœur lourd, les yeux brouillés de larmes. L'autre soir, Isabelle est enfin venue au CAT avec Annie, une de ses amies mannequins. Elle est maigre, ses grands yeux noirs dévorent tout son visage, un petit oisillon. Sa fragilité me frappe au cœur. Une nouvelle fois. Ça va? Ça va. Et toi? Sourire poli, banal. Une cliente comme les autres. Elle danse. Elle boit. Elle est naturelle, apparemment, et décontractée. Rien ne s'est donc passé. Et je rêvais. Elle va se lever tout à l'heure, partir, me dire ne rentre pas trop tard et je la retrouverai à la maison. Non. Je n'ai pas rêvé tout ce cauchemar. Elle est là. Mais ce n'est plus mon Isabelle. Je ne reconnais pas ce bracelet, je ne connais pas cette coiffure nouvelle. Une belle étrangère, une inconnue qui me laisse un goût de nostalgie. Je ne la regarde pas danser. Ostensiblement, je tourne le dos à la piste. Je connaissais trop les scénarios de séduction et de mort. Combien de fois assise au bord de la piste, ou appuyée contre un pilier, l'ai-je contemplée dansant au milieu des autres. Toujours souveraine, toujours la plus belle, la plus désirable, la plus gracieuse. Elle sentait mon regard, jouait les indifférentes, allumeuses et femmes jusqu'au bout de ses doigts effilés, chargées de bagues. Nous n'étions pas les seuls à jouer ainsi les scènes des charmes et de désir. Les autres femmes agissent de même. C'est un délicieux manège. Un marivaudage plein de beaux gestes et de regards profonds, profitant des glaces qui leur renvoient de partout leur image. Les danseuses, mi-Narcisse, mi-Salomé, s'admirent et séduisent celles qu'elles aiment ou qu'elles ont envie d'aimer. Que de regards à la dérobade, que de regards dérobés. Ce temps n'est plus. Isabelle est une étrangère, elle doit savoir que je ne souffre pas d'elle et qu'elle ne me charme plus. Elle est repartie. Toujours souriante. Je lui ai dit au revoir. Reviens quand tu veux, avec Annie, Ça me fait plaisir que tu reviennes. Pourquoi était-elle venue sans Alice? Je l'ignorais tout en me réjouissant. Peut-être les choses allaient-elles mal entre elles? J'en voulais terriblement à Alice. Elle m'avait noirci, éclaboussé, sali. Elle m'avait fait perdre l'estime de certaines de mes amies. Je passais pour une Don Juan mûre qui cachait ses échecs derrière des mensonges. Quelle ne fut donc pas ma joie lorsque tout le monde apprit enfin la vérité sur notre liaison. La scène se passe au 4, à l'ouverture, quand le personnel est encore seul. Colette termine une longue explication d'où il ressort qu'Alice, saoule, hier soir, a parlé devant l'ami de Colette qui a enregistré l'histoire et la lui a livrée toute chaude. La fille Alice avachit devant son verre. Zoar, t'es seule? Alice, ouais. Tu prends un verre? La fille, t'es pas avec Isabelle ce soir? Alice, non. Si tu veux, on rentre ensemble. La fille, ben non. Et ta copine? Alice, pas d'importance. Isabelle, je la tiens comme ça. Elle fait claquer ses doigts, elle est aux ordres. D'ailleurs, un temps, et lui là aussi. Je l'avais aux ordres, comme ça. Reclaquement des doigts, la fille, et Lula, la patronne du 4, Alice, vouée. Elle me faisait du gringue toutes les deux, alors j'ai fini par choisir Isabelle parce qu'elle est plus jeune et plus belle. Me et Lula faisaient mieux l'amour. La fille, comment que tu le sais? Alice, parce que j'ai couché avec les deux. Tiens, fin du récit de Terramène. Les filles du 4 restent muettes. C'est Momo qui rompt le silence. Momo, je vous l'avais bien dit qu'Elula avait tous les défauts qu'on veut, mais qu'elle ne mentait jamais. Marim, je vous l'ai toujours dit que c'était de la mère de cette Alice. Pascal, la garce, elle m'a vraiment eu celle-là. J'avais vraiment fini par la croire. Enfin, on va raconter ça à Elula tout à l'heure. Je crois que ça lui fera plaisir. Si cela m'a fait plaisir, j'aurais pleuré de soulagement. Enfin, il n'y aurait plus au 4 cette ambiance équivoque qui régnait depuis 2 mois. Enfin j'étais réhabilité. Ce snack revenait du bagne. Cayenne n'était plus qu'un mauvais souvenir. De tout ce gâchis, de toute cette boue, on ne parlerait plus, désormais, au 4. Seule Isabelle demeurait embourbée, Marie. Désorienté. Promettez-moi une chose, demandai Jophie après leur avoir dit ma joie. Ne parlez pas de tout cela à Isabelle. Ce n'est pas la peine de lui faire mal. Elle l'a d'ailleurs toujours su, j'en suis certaine. Mais elle ne veut pas le reconnaître, c'est tout. Je suis Elula. Je n'ai pas menti. J'ai retrouvé ma place dans l'estime des gens qui m'entourent. Mon corps est un peu vide, mon cœur un peu douloureux lorsqu'on insiste trop, mais je suis Elula. 8. Tout s'est déroulé si vite que la suite de cette histoire est restée gravée dans ma mémoire comme une succession de scènes vécues ou rapportées, de bribes de dialogues et d'impressions confuses qui constituent un puzzle dont la figure d'ensemble est la mienne, enfin reconstituée après ce trop long cauchemar. Isabelle est arrivée hier soir au 4, le cou marqué d'une longue zébrure, le poignet endolori. Elle me dit en riant nerveusement. On s'est battu. Je ne réponds pas. Elle avait osé la toucher, lui faire mal. Insupportable. Moi seul en avais le droit. Et quoi? Seulement quelques gifles à l'enfant gâté qu'elle était, quand elle avait trop joué avec mes nerfs. Comme un chaton qui reçoit une tape sur le museau pour avoir trop longtemps égratigné vos mollets ou mordillé vos doigts. Il était intolérable qu'Alice la frappât. Je ne savais pas comment lui dire que j'avais mal. Que j'avais envie de détruire leur union dérisoire, de donner un coup de talon dans leur fourmilière précaire, de chasser Alice. Je n'osais pas. Mon orgueil toujours aussi grand. Elle m'avait laissé, malgré tous mes efforts pour la retenir. À elle maintenant, si elle le désirait, de me reprendre. Moi, je ne ferais plus un geste. On ne bâtit pas un couple sur la rancœur. Mon petit, on ne vit pas avec quelqu'un contre quelqu'un d'autre. À cause d'un dépit. Mais tu dois l'apprendre toute seule. Moi je ne peux plus rien pour toi. Que ronger mes poings et bouillir de désir de vengeance. Non, même pas. Si j'acceptais que tu reviennes, que m'importeraient les sentiments d'Alice? Je ne te brandirais pas comme une victoire. Je te prendrais dans mes bras et t'emporterais dans notre tanière que tu n'aurais jamais dû quitter. Reviens mon petit, mon enfant. Mon amour, la maison est chaude, ta chambre est vide, mais nous la remplirons à nouveau. Les boutiques sont pleines d'animaux en peluche qui n'attendent que ton désir, je plierai pour toi les étalages de pacotille, nous dévaliserons les magasins de colifichets, nous reconstruirons ta caverne d'Ali Baba. Mais je ne dis rien. Non, je ne veux plus rien savoir. J'ai la nausée de tout ceci. Cela ne me concerne plus. D'ailleurs, elle ne me demande rien. Elle a pris un verre, elle a dansé un peu, et puis elle est repartie. Le personnel semble ravi de la revoir. Elles sont toutes gentilles avec elle, comme si rien ne s'était passé. Je le renseignerai. Le lendemain, je trouvais un mot glissé dans ma voiture. Sa longue et fine écriture penchée me disait, la tristesse, l'amertume, le regret de ta présence. Les yeux grands ouverts en face d'un merveilleux souvenir, celui de ton visage. J'avais toujours été étonné par ses lettres. Elle écrivait mieux qu'elle ne parlait. Comme tous les gamins de son âge, avec trois vachements, deux tu vois ce que je veux dire et quelques borborigmes, elle vous faisait une conversation. Tandis que ses lettres étaient douces, sensibles, souvent belles. Est-ce la timidité, ou une sotte pudeur qui l'empêchait de s'exprimer aussi bien qu'elle écrivait? Je relisais ce courbier qui voulait dire tout et rien. Non, je ne m'attendrirai pas. Qu'espère-t-elle? Que veut-elle? Qu'attend-elle de moi? Que je lui ouvre mes bras et mes portes à deux battants. Que j'égorge le veau gras sur l'autel du Katmandou pour le retour de la princesse au bois couchant. Je ne crois pas au raccommodage, ma petite fille. Le vase où meurt cette verveine et ce terrain. C'est cela la réalité. Mon cœur est fêlé à tout jamais. Ce que j'éprouve pour toi, le sais-je moi-même exactement? Tendresse, rancune, pitié, qui l'emporte en moi? Nous sommes écorchés vives, mais je ne veux lécher que mes propres plaies. Je pliai le billet et le mis dans ma poche. Alice est entrée en titubant à l'étrier. T'as pas vu Isabelle? Non, répond le barman. Tu l'as perdue ou quoi? Ça fait deux jours que tu la cherches. Bon, si tu la vois, tu lui diras de rentrer tout de suite à la maison, sinon ça va barder pour son matricule. Isabelle et Annie étaient aux quatre. En sortant, elles aperçoivent Alice qui les attend sur sa moto. De l'autre côté de la rue, elle met pied à terre, enlève sa ceinture, l'enroule autour de son poignet et s'avance, menaçante, vers les deux filles. Celles-ci, paniquées, s'engouffre à nouveau dans le cat. Isabelle est venue vers moi. Ses grands yeux dévorent tout son petit visage amaigri. Elle a l'air inquiet. J'ai peur, Lula. Elle m'a encore frappé ce matin. Aide-moi, elle a dit. Elle m'a demandé de l'aider. Elle a prononcé ce que je brûlais d'entendre, sans le savoir. Ma petite fille a peur. Je pose ma main sur son épaule. Ne crains rien. Nous sommes là. Il y a Aimé. Il y a Sam qui passe presque chaque soir, soucieux de mes santé physique et morale. Il y a là la seule véritable famille, celle du cœur. Revenue parmi nous, Isabelle ne risquait plus rien. Elle m'appelait à l'aide et Don Quichotte accourait, balayant le Don Juan malade et bafoué. Nous nous concertons. Nous tenons un conseil de famille. Je suis d'avis qu'il faut qu'Isabelle s'en aille. Comme elle en avait l'intention. La situation a bien changé depuis un mois. Je ne suis plus la victime. Je prends les initiatives, à nouveau. J'ai retrouvé mon bâton et ma hargne. Nous sortons, devant l'artillerie lourde, Sam, puis Isabelle et moi, suivis d'Aimé. Momo et Marie me passent leur nez à la porte, prêtes à intervenir. Mais je sais qu'il n'arrivera rien. L'heure des scandales est passée. Alice est monstrueuse. Ses motivations resteront toujours un mystère pour moi, mais elle sait certainement qu'elle a perdu la partie. Nous remontons vers la rue de Rennes où sont garées nos voitures. Alice, campée sur sa moto, nous observe. C'est la première fois que je la revois de près. Comme la haine et l'alcool enlaidissent un visage, je la regarde dans les yeux. Ou bien valait-il mieux l'ignorer? Je m'arrête. Je souris à Alice comme on sourit avant d'écraser le moustique qui vous énerve depuis un moment et qui vient enfin de se poser sur le mur. Vous irez chercher vos petites affaires demain avant qu'on ne fasse changer les serrures de votre nid d'amour. Ce soir, Isabelle restera chez moi. Elle me regarde à peine. Elle fixe intensément Isabelle et puis murmure, les dents serrées, Bande de connes, je vous ai quand même bien baisé. Elle fait ronfler sa monture et disparaît de nos vies aussi brusquement qu'elle y était entrée. Nous reprenons notre marche suivant le même chemin que ce douloureux matin de décembre. Mais ce n'est plus moi qui porte la croix. Isabelle monte dans la voiture de Sam, et met auprès de moi. Nous rentrons en suivant la Seine. Paris est vide et froid. L'eau coule épaisse et noire comme du mercure. Les réverbères sur les ponts, les péniches accostées, le couple de clochards dans sa cabane en carton sous le pont de l'Alma. Tout est là. Rien n'a changé sur mon parcours de nuit. Pourtant je regarde différemment ces lieux quotidiens qui ont vu tant de larmes. Une fois arrivée devant notre immeuble, Isabelle descend de la voiture de Sam et s'approche de la mienne. Je baisse la vitre, et d'un geste que je veux naturel lui tend les clés. Va, Isabelle, monte. Je vais garer la voiture, lui dis-je d'un ton calme. Pour saluer Aimé et Sam qui retournent au Katmandou, je porte ma main à mes lèvres avant de l'agiter dans leur direction. Je sors dans la nuit, je lève la tête vers mon appartement au moment même où s'en éclairent les fenêtres. J'ignore ce qui se passera demain, dans 6 mois, dans 1 an. Me voici aujourd'hui, plus libre qu'hier, le froid du soir ne m'a pas encore recouverte, je vis.